jadis. Il n'y a que du sang pour peindre la mémoire, et des yeux pour pleurer le départ de nos fils. Et rien à sacrifier puisqu'on ne peut plus croire. Gris, il n'y a rien à voir. Le vide est dans la vie et la vie dans le vice. On a crucifié l'être en couronnant la voie. Il n'y a que du noir pour habiller jadis. Les livres sont trop lisses. Ils ne peigneront plus les couleurs de l'espoir. Ne nous délivrerons du mal ni les polices. Il n'y a que du sang pour peindre la mémoire. Il n'y a que du noir. Il n'y a que du noir. Petit à peu perdu au fond du précipice. Il nous reste nos corps de chiffons dérisoires et des yeux pour pleurer le départ de nos fils. Ses complices pour motiver nos cœurs à pomper le sang noir. Rien à aimer, rien à saigner, pas de justice et rien à sacrifier puisqu'on ne peut plus croire. Pour pleurer le départ de nos fils.